Vous êtes assez fous pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous fait une dégustation de son plat favori. Et on reçoit Jean-Félix Saint-Germain pour nous parler de son métier de travailleur de rue. C'est un assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 6 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et on est en direct des studios de CFA à Trois-Rivières. Bon matin, François. Bon matin, Mathieu. Oui, aujourd'hui, on a une émission quand même pas mal relax comparé à d'habitude. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de contenu quand même. Ça peut être vide, là. On va avoir tout à l'heure à 8h la présence de Stéphanie Gagné, sa collègue, son plat favori. On ne sait pas encore de quoi il nous parle. Avant ça, par contre... Avant ça, vers les 7h30, on reçoit Jean-Félix Saint-Germain qui vient nous parler de son métier. Travailleur de rue. Ah, intéressant comme métier, ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il roule un micro-programme ici à l'université, donc on va en savoir plus. C'est tout à l'heure. Ouais, à 7h30. En fin d'émission, c'est ça, on n'a pas de Marie-Pierre Laforge-Bourret, donc une chroniqueuse manquante veut dire plus de temps pour de la musique. Hein? Oui. La musique des chroniques comme, mettons, les chroniques CNX, mettons. Oh. Sur les technologies et tout et tout. Technologie. Et le retour de C'est un fait, bien sûr. Fantastique. Voilà, donc c'est le contenu de l'émission d'aujourd'hui. C'est juste une chose de moins. Ça fantastique. Fantastique. Oh, on aime ça. Ah, ben, Colin, c'est fantastique. As-tu d'autres des faciles dans le même temps? Fermidable. Formidable. Oui, ça fait plus farmer, je pense. Mais bon. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec Peter. Et on retourne en arrière un petit peu, hein, parce que là, présentement, l'extrait « Rien ne nous rassemble » dans le palmarès francophone. Mais moi, j'avais envie d'entendre ce matin la pièce avec Cœur de pirate. Tergiverse. Tergiverse. Entre le sud et le nord. Toi. Wow. Bâtard. Hein? Entre le sud et le nord, bâtard. Bâtard. Bâtard. C'est pas un sac, ça? Non. Ben non. Donc, je peux l'utiliser à bon escient. À bon escient. Hey, j'allais dire ça, mais je me suis retenu. Je trouvais ça fancy, tu sais. Ben non. Non, mais tu l'as bien dit. T'es un gars de classe, François. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Renvoie-moi pas le compliment. Ben non. Pas de trouble. Il y a tout un cirque dans ma tête et sous ma peau. Des cracheurs de feu font la guerre à mon estomac et des amis. Je n'en ai pas, je me redresse tout plein de maladresse. Avec douance, je sombre en défaillance. Je vais seul, je ne m'en plains pas et des amis. Je n'en veux pas, je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut. Bon d'accord, je suis peut-être débordé, mais aujourd'hui, je sens que ça va mieux, ça ira, c'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez.

Oh, Annie, oh. Oh. Oh. Avec moi, attention. La-di-da. Oui. Donc, c'était Mauve avec la pièce Annie Hall sur l'album Cinéma Plymouth, une de nos pièces préférées. Je pense que c'est fou en ce moment. Ça a été numéro 1, ça. Puis, comme tout le monde capote, puis youpidoupidoupidou. Youpidoupidoupidou. C'est bon, c'est bon. C'est... Est-ce que ça a été numéro 1? Oui. Non? Oui, oui, sûr. En tout cas, pas grave. C'est toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Avant de passer à d'autres musiques, dont du Tegan and Sarah plus tard, hein? C'est la chronique CNX. La chronique CNX, votre bulletin geek des 24 dernières heures. Donc, on va résumer les nouvelles de lundi pas mal. Commençons avec une bonne nouvelle, François. Je crois que les compagnies comprendront jamais le message, mais on dit que d'ici 2015, 80% des téléphones intelligents vont être équipés d'écrans 3D. Ah ouais? Ouais, quand on parle de trois dimensions, le premier appareil qui vient en tête est la télévision, dit l'article de branchez-vous.com, sans doute parce que beaucoup de modèles sont disponibles et que de plus en plus de Blu-ray 3D voient le jour. Par contre, il existe d'autres produits issus du vaste monde de l'électronique qui pourraient bénéficier de cette nouveauté technologique. Les téléphones intelligents en sont un bon exemple. Les appareils équipés d'écrans stéréoscopiques sont encore relativement rares, si on suit aux conclusions de la nouvelle étude commandée par l'Institut John Petty Research. Dans quelques années, on devrait assister à un revirement de situation. On dit qu'en 2015, 4 appareils sur 5 seraient à faire avec un écran en trois dimensions. Maintenant, à savoir combien d'écrans vont être utilisés en 3D, parce qu'il y a le... Ça fonctionne pas. Non, ça marche pas. Personne ne veut voir la météo en 3D. Voyons. Non, vraiment pas. Déjà qu'on la recèle. C'est un peu ça, hein? Ouais, c'est le bout du nez, hein? C'est pas mal du 3D. Ça, je pense, une gouttelette d'eau, même. Ou de la neige et de la pluie, ou encore, tout, tu disais, qui neigeait et qui mouillait tantôt, ouais. À ta rappelle? Ouais. Donc, c'est de la nouille. Ouais, exact. Moi, j'appelle ça de la nouille. J'espère que je suis pas tout seul là-dedans. Hein? Non. Voyons donc. À l'instar de la console 3DS de Nintendo, ces nouveaux téléphones intégreraient des caméras pour prendre des photos et filmer des vidéos en relief. Bon, ça, peut-être, là, peut-être que filmer puis regarder des vidéos ou des affaires comme ça en 3D, peut-être, un peu une fois de temps en temps, mais bon. Si ça fonctionne bien. Si. Évidemment, de tels appareils cacheraient sous leur capot des processeurs plus performants que les cellulaires actuels. Ce qui est une bonne chose, par contre, c'est l'avantage, j'en parlais récemment, je crois que c'est hier, que ma 3DS, depuis que j'ai arrêté d'utiliser le 3D, que je joue en 2D, la console est vraiment performante, puis elle joue vraiment des bons jeux, les graphismes sont super beaux. Puisque le 3D, moi, n'a pas grand-chose dans la vie. Ouais. On dit que c'est ça, que ça cache un gros processeur. On dit que ça va être, espérons-le, d'ici à 2015, moins gourmand en énergie. Avec ce nouvel ajout d'ordre technologique, les téléphones intelligents de 2015 pourraient encore plus facilement concurrencer les consoles de jeux portatives exploitant la 3D. Là, on parle des consoles portatives. J'imagine que c'est parce qu'ils pensent que peut-être que PlayStation va passer une console 3D éventuellement. Bon. Un système de contrôle par geste pourrait même remplacer le contrôle par la voix qu'on retrouve actuellement dans une vaste majorité de produits. Ouais. Je sais pas, encore une fois, tu sais, Kinect, c'est bien beau pour jouer à des jeux avec tes bras, là, mais sur ton téléphone cellulaire, là, pas sûr que je vais mimer ça. Ton nom. Non, c'est ça. Comment tu mimes François-Olivier Marchand? Ça fonctionne pas. Tu le fais pas, là. Tu le fais pas du tout. Enfin bref, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Passons à une avancée technologique un petit peu plus intéressante, d'après moi. Des écrans tactiles sans traces de doigts du tout. OK, ça c'est cool. Les chercheurs allemands de la Max Planck Institute of Polymer Research de Mainz, hein, quand même un long nom ça, ils ont découvert une méthode permettant d'éviter les traces de doigts sur les périphériques tactiles pour obtenir le verre miracle. La méthode employée est étonnante, nous dit cet article de Clubic.com. Pardon. En effet, pour obtenir un verre qui ne retient pas les traces de doigts, les chercheurs ont utilisé de la suie issue de la fumée d'une bougie associée à de la silice. Okay. Pour ce faire, ils ont tenu un morceau de verre au-dessus d'une bougie pour que se forme une couche de suie sur la surface. Ensuite, les scientifiques ont recouvert le verre d'une couche de silice et le tout a ensuite cuit à 600 degrés Celsius pour rendre la suie transparente. Oh. Eh. Cette combinaison étonnante empêche tout simplement les corps gras d'adhérer au verre qui ne marque pas. Les scientifiques ont ajouté que cette méthode peut être appliquée à d'autres matériaux dont l'aluminium, le cuivre ou encore l'acier. Elle pourrait donc être appliquée dans le futur sur certains appareils particulièrement salissants. Espérons que les fabricants de tablettes et autres appareils tactiles s'intéressent à cette innovation si ça fonctionne à long terme. Oui. C'est un miracle de la technologie. Ouais. Ça va être le futur. Allons-y avec une nouvelle étrange. Ça dépend de quel bord tu parles. Je pense que c'est une bonne nouvelle, moi. Okay. Je pense que je vais qualifier ça de bonne nouvelle. Bientôt, des cadavres comme nouvelle source d'énergie. Mais on parle pas de jeter des gens dans du feu pour créer une énergie. C'est bizarre, là. C'est pour faire avancer ton train, ça, là. Nouvelle source d'énergie renouvelable des plus inusitées deviendra peut-être un jour des plus communes. Les corps de personnes ayant souhaité se faire incinérer à leur mort. OK. Vraiment bien. En effet, un crématorium situé en Angleterre utilisera bientôt la technologie d'une entreprise de Floride afin de produire de l'électricité à partir de la récupération de la chaleur produite par la combustion des cadavres. D'après l'entreprise américaine B&L Cremation Systems, la chaleur dégagée par l'incinération d'un seul corps serait capable de générer une quantité d'énergie suffisante pour permettre à 1500 foyers ou moins... Ou moins, pas au moins, mais ou moins. Ou moins. D'écouter un épisode d'une heure de leur série télé préférée. 150 kWh. C'est pas une série, ça, je pense. Ça, c'est un kilomètre-heure. Pour y arriver, le crématorium de Durham installera des turbines à même son four crématoire dans le but de récupérer l'énergie qui serait autrement gaspillée. C'est ça l'affaire. Là. Et de la vendre à des entreprises locales productrices d'électricité. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, tu sais... vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, là, je le dis, puis c'est correct que vous ayez votre opinion. Mais tu sais, ton corps, il sert absolument à rien une fois qu'il est... Non, c'est ça, exactement. Fait que tu le fais incinérer. Mais quand tu le fais incinérer, le point vient encore que ça sert à rien, tu sais. Aussi bien tant que ça, faire de l'électricité avec. Non, c'est sûr. Évidemment, tu commences en signant ta carte de donneur. Hein, pour l'organe. Ben oui, parce qu'ils serviront à rien, tes organes. Mais bon, ça, c'est une façon de penser. Hein, bon. Je cite ici, ce processus rendra la technologie de crémation beaucoup plus verte en tirant aussi profit de ses sous-produits, comme l'explique Steve Looker, propriétaire et chef de la direction de B&L, dont les propos ont été divulgués par le site Life's Little Mysteries. L'argumentaire de M. Looker laisse paraître son optimisme quant au succès de cette technologie dans un proche avenir. D'après cet ingénieur en crémation, un nombre croissant de crématoriums y aura recours. En Europe, la régulation restrictive sur les émissions crématoires couplée au fort prix de l'énergie rendra incontournable la récupération de la chaleur produite pour générer de l'électricité. Sinon, ça va leur coûter cher. On dit que l'incinération n'est pas vraiment une tendance marquée en Amérique du Nord. Pas même la moitié des habitants des États-Unis songeraient actuellement à se faire incinérer le moment venu, préférant plutôt l'enterrement traditionnel. On s'entend, c'est les États-Unis, bon, tu sais, le corps après la mort, etc. Vous savez tout ça, même pas besoin de vous l'expliquer. Est-ce qu'il y a un autre moment intéressant de l'article? Pas vraiment. Allez voir sur assemblagerequis.com, ça parle des baby-boomers et ça m'intéresse. Parlons de l'Inde maintenant. Ouais? L'Inde qui veut censurer le contenu diffusé sur Internet. Oh ouais. Oui, le gouvernement indien demande aux fournisseurs de services Internet et aux principaux réseaux sociaux de filtrer le contenu généré par l'usager avant qu'il ne soit publié. Un peu comme la Chine? La Chine, ils bloquent des sites complètement, donc peut-être qu'ils font ça aussi, je sais pas. Ouais, j'imagine, ils ont l'air crinqués, eux autres. Assez crinqués. Cette demande vise à réduire les commentaires jugés diffamatoires ciblant l'État indien. Hein? Imaginez Facebook, mettons, hein? Que tu vas poster un statut, mais il faut qu'il soit approuvé par un comité d'approbation des statuts Facebook. Tu sais, mettons? Non, ça n'a pas mettons, de sens. Ça n'a aucun sens. Selon le New York Times, le ministre des Télécommunications, Kapil Sibal, a convoqué en réunion les dirigeants des filiales indiennes de Facebook, Google, Microsoft et Yahoo afin de discuter de la possibilité de bloquer volontairement les publications jugées offensantes. Le deuxième pays le plus peuplé au monde souhaite la mise en place d'un système de filtrage non automatisé dans lequel ce serait des humains et non des ordinateurs qui auraient la responsabilité de dépouiller le contenu produit par les usagers indiens. Donc, c'est vraiment littéralement un comité, on s'entend là-dessus. Toujours selon l'article du New York Times, les représentants des entreprises ont refusé de se plier à la requête de M. Sibal. Ils ont argumenté que le volume de contenu créé par les millions d'internautes rendrait la tâche impossible. Ah oui? Ah ben! Suivant ce refus, s'il veut toujours mettre en place un système de filtration, le gouvernement indien devra procéder par la voie législative ou judiciaire. Cette requête s'inscrit dans une nouvelle lignée de directives encadrant Internet en Inde. En avril dernier, le gouvernement a imposé de nouveaux règlements qui obligent les fournisseurs de services web et les entreprises de réseaux sociaux à retirer après publication les contenus jugés offensants par le gouvernement ou par un citoyen. Ça, au moins, c'est réaliste. Ouais. S'il y a une plainte, c'est là quand même. Non, c'est ça, là. Au moins. Mais bon. Les sextos, tu connais le phénomène du sexting, François? Non. C'est du sexe là, par un message texte. Okay. C'est des affaires super sexy. Ah, ah ouais. Okay. Soudainement, t'as envie d'aller chercher ça. Hein? mais c'est beaucoup moins répandu qu'on le croit. Okay. Parce que bon, tu sais, l'affaire de bullying, l'affaire d'intimidation là, dont on entend parler aux nouvelles en ce moment, tu sais, on en parlait là, peut-être 3-4 ans aux États-Unis. T'sais. Là, j'ai vu sur Facebook ce matin même que là, dans bullying, les écoles... Bullying, c'est de l'intimidation. C'est ça, c'est pareil, c'est la même chose. On parlait ce matin sur l'émission genre de Denis Lévesque ou peu importe. Là, on commence à parler de... Ah, oh, Colin, faut plus dire le mot de Noël au Québec dans les écoles primaires. Là, c'est la grosse controverse, mais c'était la controverse de là, 5-6 ans aux États-Unis. Okay? Donc, sexting, ça arrive au Québec. Le sexting! C'est beaucoup moins répandu qu'on le croit selon une étude. À peine 2,5% des jeunes Américains âgés de 10 à 17 ans, soit une très faible minorité. 10 ans? Pas vieux-vieux? Non, pas vieux-vieux. Hein. Ça, c'est... Ils prennent leur vocabulaire où exactement? Je sais pas. Hein? Sur Internet. Donc, ça, ils ont diffusé l'an dernier, on disait de 2,5%, ont diffusé l'an dernier sur Internet ou via des MMS, ça, c'est des messages textes avec des images, des photographies ou images à caractère sexuel, révèle une étude parue dans la revue Pediatrics. Selon, sur les 1560 jeunes interrogés sur leur pratique relative à ce type d'image, seul 1% affirme avoir posté des images susceptibles d'enfreindre la loi, en montrant notamment des parties intimes du corps. Hein. Une seconde étude basée sur 675 cas traités par la police, par la police d'envoi sur Internet d'images à caractère sexuel. Je sais pas si c'est une sorte de police. Là. T'es quoi, tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis policier d'envoi sur Internet d'images à caractère sexuel. Là, ben, je pense que les gens se limitent à dire police. Police du... OK. Donc, montre qu'un tiers des cas, quand ceux-ci sont aggravés par une tentative de chantage ou de harcèlement d'un jeune sur un autre, donne lieu à une arrestation. Sans les éléments aggravants, le taux d'arrestation est de 18%. Les jeunes ne sont fichés comme délinquants sexuels que si l'envoi d'images se double d'agression sexuelle. Les deux études montrent que dans 90% des cas, les images ne sont reçues que par leur destinataire. Bon. Hey, bonne nouvelle, François. Bonne nouvelle. Ouais, le Tamagotchi a 15 ans. Oh, wow. Hein? Tamagotchi. Je capote. Tu te rappelles de ça? Ma soeur en avait un. Tout le monde avait ça. T'avais pas ça. T'avais pas ça. Non, mais j'ai déjà emprunté celui à ma soeur. Ouais. Puis tu l'as tué, je te gage, maudit sans cœur. Ah, non, mais c'est... En même temps, des jeux de main, ma soeur, on en trouve partout. Ouais, mais pas des aussi bas de gamme que ça. Non, non, c'est ça, exactement. Avec trois boutons. Ouais, tu fais bien le préciser. Oh, nourrir, ramasser le caca. Oh. Puis une claque. Une claque, il y avait une claque. Ben oui. C'est pas fin, ça. Voyons, comment ça fait que la pizza n'était pas là-dessus dans le temps? Non, attends un peu. Il y avait dodo, nourrir, claque, puis... Il n'y a pas l'affaire de ramasser le caca, là. Ouais, ou sortir dehors. Sortir dehors, peut-être. Aller promener, mettons, c'est pour être plus sage. Je sais pas. Ah, d'accord. Gadget japonais culte des années 90, le Tamagotchi fête ses 15 ans en grande pompe en s'offrant une édition spéciale en couleur proposant pas moins de 32 bestioles virtuelles à chouchouter. Ah, c'est beau. Ben, c'est, on dit que ça existe plus, mais en même temps, les Nintendogs et Nintendcats là, sur la 3DS, la DS et les consoles de Nintendo, là, ça existe encore, donc c'est un petit peu plus sophistiqué, tu peux flatter ton animal. Ouais, c'est ça, t'as plus de boutons. Mais quand même, c'est en gros un Tamagotchi Super Deluxe. Là. Bon, donc commercialisé par Bandai à partir de 97 au Japon, le Tamagotchi fêtera dans quelques semaines ses 15 années d'existence, mais prend d'ores et déjà de l'avance. Ce petit œuf en plastique intégrant un écran via lequel il est possible d'interagir avec une créature virtuelle s'est écoulé à plus de 78 millions d'exemplaires à travers le monde dans de multiples déclinaisons. En 15 ans, cette bestiole numérique dont une des activités préférées est de mourir inexplicablement dans ses déjections et passer du noir et blanc à la couleur, s'est vue offrir... Ça, c'est deux étapes différentes. Hein. C'est pas quand tu meurs que tu deviens en couleur. Non. Donc, c'est vu t'offrir une vue offrir, hein, y a pas de thé là-dedans. Une connexion infrarouge pour communiquer avec ses congénères et a même eu la possibilité de se retrouver en famille sur un seul écran. Si les cinq premières versions du jouet sont arrivées en Europe, les dernières en date n'ont jamais passé les frontières japonaises. Là, je sais pas pour les États-Unis, mais bon, c'est un article français, que voulez-vous. On peut se demander si Bandai fera ou pas exception avec le Tamagotchi IDL 15e anniversaire. D'ores et déjà disponible sur certains sites comme Japan Trend Shop. Ce modèle grand luxe est équipé d'un écran TFT couleur de 1,44 pouces, d'une connexion infrarouge permettant d'échanger des objets et d'interagir avec d'autres joueurs, des jeux inédits et la possibilité de s'occuper de 32 créatures différentes, 15 mâles et 17 femelles. Je dis inégalité des sexes. Ça devrait être 16-16. C'est. Un gadget qui ferait d'envoi inclus en coûtera tout de même une centaine d'euros aux amateurs. Sans doute des fans de la première heure nostalgique qui devront néanmoins tâtonner dans des menus en japonais en attendant une version en anglais ou en français. Ça m'offusque. Il me faut du français et de l'anglais dans mon Tamagotchi parce que tu comprends tellement rien. Tu as des icônes avec des dessins dessus. Ça. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué. C'est vraiment là, complexe, je dirais. C'est un défi à chaque fois. Et on termine avec une seule nouvelle de jeu vidéo. Il n'y a rien en jeu vidéo aujourd'hui. Non? Il y en a juste une. Donc, on va y aller très rapidement. Microsoft qui veut changer votre façon de regarder la télé. À partir d'aujourd'hui même, votre console Xbox ne sera plus qu'un simple dispositif à jeux vidéo. Microsoft espère révolutionner votre façon de regarder la télé grâce à une mise à jour ambitieuse. Plus encore, c'est un véritable remodelage qui est proposé pour la Xbox. L'entreprise offrira à ses clients une nouvelle interface, la recherche de contenu multimédia Bing et une intégration dans la navigation des commandes vocales Kinect. Derrière ce remodelage se cache le projet de transformer la Xbox en système de référence en matière de divertissement maison. L'entreprise s'associe donc à une foule de partenaires de contenu audiovisuel afin d'amorcer ce qu'elle qualifie de la nouvelle ère du divertissement. Wow! Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Pour attirer les amateurs de cinéma, de télé et de sport, une gamme de chaînes de contenu sur demande sera mise à la disposition des abonnés Xbox Live. Aux États-Unis, les clients pourront donc accéder aux chaînes Epix. Hulu Plus et ESPN dès le lancement de la mise à jour qui est aujourd'hui, le mardi 6 décembre. Au fil des semaines, la gamme de produits disponibles aux utilisateurs sera bonifiée. Les abonnés canadiens se verront entre autres offrir les chaînes Dailymotion, YouTube, Crackle, UFC sur Xbox Live, Vivo avec les vidéoclips de Justin Bieber. Wow! Rogers sur demande et MLB.tv pour du baseball. Selon Microsoft, il y aurait plus de 35 millions d'abonnés à Xbox Live. D'autres se partent une fois de temps en temps quand ça t'adonne. Quand t'as envie de jouer, c'est ça? Ouais. T'es pas tout le temps dessus, là. Ben non. T'es pas abonné à Xbox Live à l'année. Non. Non. Ben, t'es abonné à l'année, mais. Tu t'en sers pas à l'année, nécessairement. Non. Peut-être qu'avec ça, tu vas pouvoir. Peut-être. Regarder du YouTube sur ta Xbox parce que c'est passé de l'avoir sur ton portable, ton iPhone, ton iPad, ton iPhone. Non, c'est sûr. Puis à cette heure, tout se plug dans TV. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est... En tout cas. Ben, il n'y avait pas le choix non plus de faire ça. Non, c'est ça. Pour de suivre la vague. Puis tu pourrais peut-être même remplacer éventuellement peut-être ton ordinateur branché sur ta télé par ta Xbox. Et là, ça va être plus simple parce que ça va avoir un clavier, une manette sans fil. Ben, il se vend déjà un clavier. Oui, c'est sûr. Il s'en vend. Il s'en vend. D'avoir une seule machine qui fait tout, tu sais. Mais c'est que la Xbox ne lit pas les DVD. Oui. Oui. J'en ai pas. Oui. Oui. On est sûr? Oui. Ah, c'est des Blu-ray qu'elle y va. Ouais, c'est ça, Blu-ray. Ben, il y avait la guerre HD, DVD, puis oui, c'est Blu-ray, ça. Mais HD-DVD fait un ajout, je pense. Hein. Fait ouais, ouais, ouais, c'est ça, c'est un petit lecteur, ça. Échec total! Échec et mat. Voilà pour la chronique CNX. On continue avec du chiptune. Évidemment, c'est l'artiste Smiletron et la pièce Further. C'est une autre pièce featuring Sierra Ferrell. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait fait jouer une chanson de chiptune avec une voix féminine dessus. Donc, la revoilà. Cette Sierra Ferrell. Ah oui, je me rappelle. Dans la pièce Further, ben c'était bon ça. Ouais, c'était bon. Ça faisait très, très chiptune comme par la bande, mais c'est en arrière de la voix, tu sais. La fille, c'est pas un robot. Apparemment non. Qu'elle existe vraiment. Des rumeurs. Shaking. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. Seductively before you respond, you feel- Los Capucinos et la pièce By Your Hand à Assemblage Requis sur Cifou 89.1 FM avec François-Olivier Marchand et Mathieu. Et Mathieu Plante. Hein? On l'aime, Mathieu Plante. Comment ça, non? Ben, c'est beau. Je cherche encore des raisons moi-même. Bon, hey, formidable. Hey, on est en studio Jean-Félix Saint-Germain. Bonjour. Salut. Jean-Félix, qui est travailleur de rue ici à Trois-Rivières, et tu es le seul et unique travailleur de rue ici à Trois-Rivières. Malheureusement, pour l'instant, je suis le seul, effectivement. On est en recherche d'emploi. En ce moment, il y a des postes ouverts à mon organisme. Mais c'est ça, les gens qui cherchent peut-être une carrière, en fait, un but dans la vie, travailleur de rue, ça se peut à Trois-Rivières. Exactement, ça se peut. Il y aurait de la place pour au moins 10 à Trois-Rivières. Ah ouais, t'es sérieux? Oh, oui. OK. Tabarouette, OK. Formidable. En fait, on va expliquer un peu c'est quoi être travailleur de rue. Parfait. Okay. Travailleur de rue, toi, en fait, t'as commencé ça comment? Est-ce que ça prend un cours? Est-ce que... Non, moi, je suis pas issu de milieu universitaire ou collégial. J'ai une famille qui œuvre dans le milieu communautaire depuis des années. Okay. En fait, ma famille est dans l'organisme Concept. Okay. Donc, je gravite autour du milieu communautaire depuis mon enfance. Mais moi, j'avais comme formation une technique policière non complétée. Ah ouais, pourquoi? Donc, j'ai demandé, en fait, j'ai harcelé mon employeur pour qu'il me passe au moins une entrevue. Je lui expliquais que je connaissais le savoir-être de comment agir avec ces gens-là, que je portais pas de jugement. Et puis, ils m'ont accordé une entrevue, un petit poste au départ pour juste ramasser les seringues, faire un peu d'entretien. Puis après 6 mois, dans le fond, il a vu que mon intérêt était assez bon pour me donner le poste de travail de rue. OK. C'est ça, tu parlais de savoir-être. C'est ça, il y a une différence entre le savoir-faire que en fait, un cours peut t'apporter et le savoir-être. Exactement. En fait, dans la façon dont on va travailler, le travail de rue, c'est vraiment plus d'aller à la base des choses. En fait, on va enlever les diagnostics ou les symptômes, les catégorisations, là, de dire c'est un toxicomane ou c'est un ci. Lui, il n'y a rien à faire. Non, c'était des personnes. Nous, on travaille juste avec des personnes à leur rythme. On n'est pas contraint comme les gens qui sont dans les institutions gouvernementales. On n'est pas contraint en termes de temps. Donc, on peut utiliser 2 ans, 3 ans, 4 ans à vie. En fait, on peut rencontrer les gens le nombre de fois. On n'a pas à juger de rien. T'as pas un quota pour dire, bon, dépasser 6 rencontres. Exactement. OK, ça fonctionne pas. Et puis, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, là, pour ces gens-là? Exemple, je sais pas, est-ce que c'est des gens qui t'appellent? Est-ce que tu te promènes dans la rue? Souvent la publicité va se faire de bouche à oreille. Effectivement, c'est des gens qui vont me communiquer. Ils ont rencontré d'autres personnes. La façon que ça fonctionne, ben, majoritairement, c'est des gens en situation de précarité. Donc, ils sont souvent retrouvés seuls, en situation de pauvreté extrême. Donc, ils manquent de moyens. Est-ce que c'est des gens aussi qui sont en crise? Souvent, il va y avoir des crises par rapport à leur situation. À ce qu'ils vivent, ça devient tellement difficile qu'ils vont agir de façon excessive, effectivement, aussi. OK. Et puis, en fait, ils t'appellent, toi, tu te déplaces, tu vas les rencontrer? J'offre plusieurs types de services. Effectivement, je vais faire de l'écoute active. Je peux aller écouter juste simplement pour décompenser, aider à diminuer les tensions. Sinon, on peut faire venir des papiers d'identité, aider à trouver des appartements. Je fais beaucoup de références. En fait, le but, c'est de référer les gens. OK. Les gens, dans le fond, souvent, quand ils se retrouvent dans la situation où ils ont besoin d'appeler un travailleur de rue, c'est ça, c'est qu'ils ont manqué d'opportunités puis d'options. Moi, ces opportunités-là, je les connais, donc je cherche un peu de médiateur entre les ressources et les gens que je rejoins, puis on essaie d'arrimer tout ça ensemble pour qu'ils puissent utiliser les services. Et parlant de référence, exemple d'un cas, monsieur est tout seul et je cherche un emploi, souvent il demande des références, ces trucs-là, est-ce qu'ils peuvent peut-être... t'appeler ou... Pas nécessairement à non? ce niveau-là. Okay, non, okay. C'est vraiment en plus au niveau de référer les gens aux ressources. J'ai pas assez d'argent pour manger. J'ai besoin d'aide au niveau d'un avocat. Je suis pas capable de trouver de médecin. J'ai plus de papier. Je suis pas capable d'aller à l'hôpital à cause que j'ai plus de papier. Toutes ces choses-là, ben moi, je connais beaucoup les ressources. Donc, j'ai les portes ouvertes un peu partout. C'est plus facile pour moi d'avoir accès au réseau. OK. Et tu parlais de ton employeur. Ton employeur, c'est qui? C'est quoi? Moi, je travaille pour Point de rue. Non. Point de rue? Point de rue, oui. Okay. C'est un organisme qui est là. Ça fait au moins une bonne dizaine d'années en travail de rue avec le centre de jour, mais ça fait depuis, je dirais, 93 là, qu'il travaille au niveau de la rue. OK. OK. Et puis, c'est ça. En fait, là, on s'imagine que si tu dis qu'il en manquait... environ 10 parce que t'as beaucoup d'ouvrages. Effectivement, tout seul, je pourrais faire ma semaine en fait en 2 jours avec les appels que je reçois. Là. Moi, c'est moi qui fais mon horaire, puis je m'arrange pour l'étaler le plus long sur la semaine. Mais justement, comment tu fais pour te faire un horaire dans le sens où quand les gens t'appellent, est-ce qu'à un moment donné, tu dis « wow, là, c'est parce que... » T'as une vie aussi? Ben effectivement, il faut que je pense à ma vie. Ma jeune blonde qui est quand même bien compréhensive. Ça fait que je peux faire un peu d'heures quand même. sans me sentir trop mal à travailler de soir. Donc, le jour, moi, je travaille le jour. Fait que des fois, le soir, ça va m'arriver de déborder puis de continuer parce qu'elle n'est pas là. C'est sûr, si elle était à la maison, si j'avais des enfants, ça serait différent. En ce moment, ma situation me le permet, mais c'est sûr qu'avoir du backup, là, ça ferait du bien. Ça ferait du bien? Oh, effectivement. Ça ferait du bien. Parce que, en fait, les gens peuvent quand même t'appeler, mettons, c'est le samedi dans la nuit ou. Oh, oui, moi, des urgences, ouais. les situations d'urgence, dans le fond, on va toujours prioriser, dans le fond, les urgences les plus graves. Donc, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle en crise suicidaire un samedi ou une mère m'appelle parce qu'elle a plus de nourriture pour ses enfants le dimanche ou à Noël, je vais y aller pareil. Là, c'est pas. OK. C'est OK. Fantastique. C'est ou le contraire de fantastique. Non, mais malheureusement. Non, c'est ça, mais ça prend des gens comme toi, en fait, là, pour. Mais c'est ça, il faut quelqu'un comme toi, puis c'est. On sait pas, on dirait, à Trois-Rivières que ça existe, cette situation-là. Non, la situation est particulière à Trois-Rivières parce que la pauvreté, elle a un toit. Je vous dirais la différence entre Trois-Rivières et Montréal. À Montréal, avoir une chambre, un et demi, un petit studio, ça va être environ 450 $. Le chèque d'aide sociale est de 570. Mmh. Donc, ça laisse à peine 100 $ pour le mois. À Trois-Rivières, c'est encore possible de se trouver des chambres en bas de 300. Ouais. Fait que c'est quand même un peu plus intéressant. Donc, la pauvreté ici, elle a un toit. Ils n'ont pas plus de manger, ils n'ont pas plus d'aide autour, mais au moins, ils sont pas dans la rue. Puis les problématiques, ça ressemble à quoi, mettons, ici à Trois-Rivières? Ben, par rapport au manque d'emploi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Le chômage, le taux de chômage est élevé, mais il y a aussi une énorme problématique au niveau de la toxicomanie. C'est bien entendu là des gens qui vont s'injecter des opiacés, de la cocaïne. Les amphétamines est un fléau qui est de plus en plus présent, c'est important comme fléau, là, l'amphétamine, le speed, dans le fond, là, c'est incroyable. OK. Plus au niveau des jeunes, tu vois ça arriver ou... Pas tant que ça. Pas tant au niveau des jeunes. C'est une drogue qui est cheap, elle coûte pas cher, facile d'accès. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Donc, par rapport à bien d'autres choses, rapport qualité-prix, les gens... C'est pas une infopub ici. Non, pas tout. Mais non, malheureusement, c'est le contraire, effectivement. C'est la drogue, à mon avis, qui fait le plus de ravages dans le plus court laps de temps. Mm. Oh, OK. Et puis là, on va parler parce qu'il s'ouvre ici à l'UQTR. Je pense que tu vas en faire partie d'un micro-programme pour vraiment, en fait, pour, est-ce que je peux dire ça, pour être travailleur de rue, non? Oui, ben en fait, c'est pour ouvrir la voie, en fait, dans le milieu du travail social. Il n'y a pas vraiment de branche travail de rue au niveau de l'étude. Donc, il n'y a rien qui est dirigé vers ça. Et puis, ce qu'on a remarqué souvent, nous, à l'organisme Point de rue avec les stages, c'est que les gens venaient en stage et puis ils n'étaient pas prêts, pas du tout au niveau du travail de rue. C'est très, très différent, comme on disait, là, au niveau du savoir-faire. Ça prend pas grand-chose parce que l'expérience, dans le fond, des gens de la rue, c'est les gens de la rue qui l'ont. C'est pas la personne qui a étudié, qui était bien chez eux, qui s'est resté, malheureusement. Non, c'est ça. Ça prend un savoir-être, dans le fond, puis c'est cette connaissance-là qu'il faut élaborer. C'est un peu le but de ma présence ici ce matin. Est-ce que vous n'avez, en fait, des gens qui veulent comme s'impliquer et puis vont directement sur le terrain? Est-ce que... Il y a des gens dans la ville, des fois, qui vont faire certaines choses, qui vont aider. Des gens qui décident qu'ils ont un peu plus de sous, qui vont venir porter des repas, ou des gens qui nous tricotent des choses. Ou je rencontre des gens aussi qui viennent pas du tout à mon organisme, qui font certains transports, certains accompagnements avec des gens. Et ça, les gens, dans le fond, si tout le monde faisait ça, j'aurais pas de travail, ça serait merveilleux, parce que, dans le fond, il y aurait probablement beaucoup moins de pauvreté, puis les gens seraient pas en situation de précarité. OK. En fait, si on parle, on revient un peu au micro-programme. C'est un micro-programme qui dure quoi, 45 heures. En fait, c'est un cours qui va se donner entre le lundi 9 janvier et le lundi 19 mars. Okay. Donc, c'est vraiment condensé. Rapide. C'est des fins de semaine, 6 heures par jour la fin de semaine. Ça se fait en 3 fins de semaine et 2 lundis. Ça va donner une excellente idée de qu'est-ce qu'est le travail de rue. La personne qui donne le cours, c'est Gilles Lamoureux. C'est en fait le plus vieux travailleur de rue du Québec en ce moment. OK. Donc, c'est lui qui est le pionnier ici, qui démarre le cours. C'est vraiment une formation très atypique. Donc, il ne faut pas s'attendre à un cours comme on peut le voir normalement. Assis et puis on prend des notes. Oh non, vous allez voir, Gilles est très dynamique. On rappelle comment s'inscrire à ce cours-là? Oui, bien, en fait, sur le site de l'université, il y a toutes les informations disponibles. Vous pouvez contacter Louis-Simon Tancrède aussi au service là, ici à l'UQTR. Parfait. Et s'il y a les gens, bon, peut-être pas ceux qui en auraient besoin, qui écoutent en ce moment, ce matin, mais ceux qui connaîtraient quelqu'un qui aurait besoin de tes services, est-ce que Point de rue est facilement accessible à Trois-Rivières? En fait, il n'y a pas beaucoup de publicité faite. On se dit que les gens qui sont dans la rue, ils se retrouvent par eux-mêmes. La publicité se fait de bouche à oreille. Mais c'est sûr qu'ils peuvent retrouver mon numéro de téléphone en allant dans l'organisme. Là, il va avoir mon numéro sur la porte ou en appelant sur le répondeur. OK. Je sais pas si aussi je pourrais parler des gens pour l'université de la rue. En fait, c'est pas juste s'adresser non plus au travail de rue. En fait, je pense que c'est une méthode d'approche qui peut être utile à tous les gens qui sont en relation d'aide. Je pense par exemple aux gens qui travaillent au CLSC, au CHRTA, dans les centres jeunesse, pour Don Rémy, tous les étudiants en travail social, en éducation spécialisée. Quand va y passer, là? Oh, et quand va y... Amenez-vous dans le cours en ce moment, il manque environ une vingtaine de personnes. C'est pas très contingenté, c'est normal. Un nouveau programme comme ça, ça prend beaucoup de temps à démarrer. Mais en ce moment, là, chaque personne qui démontre un intérêt valable va être acceptée au cours. Et puis, c'est quoi, mettons, le profil type du, excuse-moi l'expression, mais du meilleur travailleur de rue, d'un travailleur de rue efficace? Est-ce que c'est quelqu'un qui... C'est quoi, j'imagine le respect? Ben c'est sûr, le respect, faut pas avoir de jugement, ça c'est le premier lieu en fait. Faut pas se faire d'attendre non plus envers les autres. Souvent, les travailleurs sociaux vont être confrontés à l'échec dans le sens de dire si la personne ne réussit pas, c'est moi qui c'est réussis ma faute. Pas, dans le fond c'est de ma faute. Puis là, ben ils se mettent de la pression par rapport à ça. Dans notre travail, le plus important c'est de respecter le rythme des individus. Donc si le rythme, comme je vous disais tantôt, c'est 5 ans, ça sera 5 ans, il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. Donc ne pas avoir de jugement, une excellente autonomie, c'est sûr, parce que t'es laissé à toi-même, dans le sens que c'est toi qui fais tes horaires, c'est toi qui gères la façon dont tu travailles, quand et avec qui. Ça, c'est primordial, je te dirais. Sinon, mais faut pas avoir peur de travailler sur soi-même, parce que c'est sûr que tu vas être confronté un peu à tes bébites. Par exemple, le viol, j'ai bien de la misère avec ça dans la vie, je pense que c'est le cas de bien du monde, mais je dois quand même aider les gens qui vont commettre des agressions sexuelles. De toute façon, en les gardant tout près de moi, en sachant ce qu'ils font, je protège un peu plus les futures victimes. Mais tu peux pas te dénoncer, tu dénonces pas. Non, tu dénonces pas. Ben, ça dépend, il y a des limites aussi. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui il fait un meurtre demain matin, là, c'est un devoir de citoyen que tout le monde a d'aller dénoncer aussi, il y a une limite. Là. OK. Et puis, c'est quand même surprenant. Pas un sujet facile. Non, c'est non, ça. Non, effectivement. Non. Et puis, en fait, est-ce que tu peux aider quelqu'un qui veut pas s'aider? Non. Je pense qu'il y a personne qui veut pas s'aider, honnêtement. Je pense qu'il y a personne qui veut ne pas décider qu'est-ce qu'il mange, pas avoir de Noël, pas pouvoir s'offrir une qualité de vie. Tout le monde avec qui je parle a pas de plaisir. Je pense que dans la consommation, on a souvent l'impression que c'est à cause de la consommation qu'ils sont rendus dans la rue. En fait, je pense que la consommation, malheureusement, souvent, est ce qui les tient en vie. Puis s'ils arrêtent de consommer, ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont plus de désir de vie-là, puis c'est ce qui permet d'oublier un peu leur malheur. Donc, souvent, la consommation est beaucoup plus une conséquence à toutes ces causes de manque d'options. OK. Et puis, c'est ça, en fait, j'imagine que tu travailles aussi au niveau des préjugés. Oui, tout à fait. Comme ça, là. Oui. Formidable. Jean-Philippe. Hey, merci beaucoup. Merci. Ben, un gros merci à vous. Merci pour ce que tu fais, en général. Très intéressant. Ben oui, certainement. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent te remercier, mais qui? Ah, les gens sont très reconnaissants. Ouais. Oh, oui. OK. Ouais. T'as bien ça. Pas le choix. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, là, tu veux qu'on... J'invite à vous inscrire au cours à l'université. Mm-hmm. Si vous voulez, ça départ en janvier, donc... Parfait. Pour la tu revenir en parler, là. Oui, via le site de l'UQTR pour s'inscrire. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. À vous toujours Assemblage Requis. On écoute une nouvelle entrée des palmarès, c'est fou, du côté francophone. C'est la formation Les Houlala, avec Tudo. Allô? Oui? Oui, allô? Allô? Tabarnak, y'a pas personne. Crise de cochonnerie de béret en arbre. Crise de merde, crise de cochonnerie de soir, de tabarnak, de crise de cochonnerie. Qu'un crise de merde. Ah donc? Je veux avoir les poches pleines d'or encore. Pour pouvoir tout de suite m'en aller d'ici. Je voudrais qu'on m'enseigne avant qu'il soit trop tard. Comme ceux qui partent de rien, histoire de réussir. De la formation Les Oulala sur leur album Plantation Urbaine, c'était Tu doses. Avant ça, on a entendu Poche pleine d'or des Delaware Chuck. On a débuté avec une pièce bonus des Oulala, oui. Bad Berry. Désolé pour la vulgarité ce matin en passant, ça sacré un petit peu dans la chanson. C'est une chanson, fait que ça passe, hein? Ouais, ok. Reste avec nous dans la deuxième heure, Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori, c'est Ton assemblage requis jusqu'à l'heure. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. De retour à Assemblage Rocky, c'est la deuxième heure pour ce mardi 6 décembre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. C'est comme ça. Des pièces détachées rassemblées ensemble, un seul gros morceau, un gâteau, un cake. Un cake. Un cake. Une tranche de cake. Comme diraient les Français, sûrement, je pense. Peut-être. Oh, oui, je pense qu'ils disent ça aussi. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ben, cake. Hein? Bon. Maintenant, dans l'émission, on reçoit Stéphanie Gagné. Tu connais Stéphanie Gagné? Steph. Ouais. Oui. Gagné. Rappelle-toi, Stéphanie Gagné, c'est celle qui fait des chroniques qui s'appelle Ton plat favori, puis qui a une petite chanson de mal à la jupe, la la la la. La la la la. Je suis ton plat favori, le sang sur ton bistouri. Non, tu comprends pas. Steph! Oui, c'est mon nom. Hey, je t'ai même pas parlé au téléphone ce matin. Oui, je sais, hein, t'as même pas pu m'écœurer. Non. C'était plate, hein, c'était moi qui lui ai parlé. Avoue que ça te manque. Hein, de te parler? Ouais, de m'écœurer le matin. Plus t'écœurer, je pense. Ouais, plus t'écœurer. Ben non, ça me manque pas tant que ça. Oh! Bon, là, tu m'écœurer, c'est correct. Ça, c'est vraiment pas fin. D'habitude, c'est comme plus doux que ça, tu sais. Comme un petit agneau. Ben non. Plus doux? Non, c'est vraiment pas plus doux. C'est plus hardcore. Donc, Stéphanie Gagné, en direct de Gatineau. Oui, exactement. Gatineau Power City Town, là. Ouais, Gatineau Beach. Beach, t'appelles ça, c'est un peu comme Point Beach, hein? C'est comme le point du lac du Canada, Gatineau, c'est ça? Ah, c'est un petit peu plus gros. Un petit peu, à peine. Quoi de neuf dans ta vie? Ça fait une semaine qu'on s'est parlé, tes cours vont bien toujours, la fin de session, j'imagine, les examens et tout? Ah, je vais owner la fin de session d'ici une semaine, là. Owner la fin de session? À part le jeu vidéo est rendu geek, hein? C'est owner avec un P, hein, c'est ça, avec au début? C'est comme un épic fail. Non, je suis pas geek. Non, bon. Donc, tu as des plats favoris pour nous. Toujours tes coups de cœur, souvent musicaux, mais ça peut être pas mal dans n'importe quel style de choses, n'importe quelle sphère, je dirais, de la vie. Hein. Ouais, ben la semaine prochaine, ça va être dans une sphère que je touche rarement. Donc, il n'y a pas la musique. Le théâtre. Mais, on verra. Ah. Mais cette semaine, j'ai deux coups de cœur. Un minuscule coup de cœur, que c'est juste une petite phrase, et l'autre qui est mon gros coup de cœur de la semaine. Donc, je vais commencer par le tout petit, c'est que le nouvel album d'Antoine Graton est sorti cette semaine. Oui. La défense du titre, je l'ai écouté. Il y avait beaucoup de collaborations avec Mister Valère et Fanny Bloom, l'ancienne chanteuse de Feu, La Patate Rose. Mmh. Et il y a des super bonnes chansons. Par contre, j'ai pas aimé l'album au complet. Il y a quelques chansons que je me suis dit, j'aurais pas payé pour ces chansons-là. Mais il y a des chansons comme Tes chaleurs et Super amis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait penser, ben en fait c'est Atomic Baobab, c'est un peu inspiré du style Antoine Graton, mais bon, ça m'a fait penser à Atomic Baobab, puis là je me suis en écouté toute la semaine. Bref, Trois-Rivières me manque, je pense. Alors bref, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. On écoutera du Antoine Graton un petit peu plus tard à l'émission pour ceux qui s'intéressent. Si ça vous tente. Good. Ouais. Et mon gros coup de cœur cette semaine, ça faisait un petit bout de temps que je voulais le voir. Je sais pas si tu te rappelles, Mathieu, mais l'année passée. On avait eu Vincent Vallière en entrevue et j'avais essayé d'avoir des billets et impossible d'avoir des billets. Mmh. Probablement que François-Olivier avait pogné les derniers parce que lui est allé. Ah ben. Il profite de son poste assez fou pour, en tout cas. Ah, je les avais payés. Ah oui? Ouais. C'est cher en plus, hein, je pense, non? Mais c'est ça, j'avais pas été capable d'avoir des billets. Puis là, rendu à Gatineau, j'ai regardé s'il était en spectacle. Il n'y avait plus de billets disponibles pour son spectacle en février. Il y avait deux dates en février et c'était déjà plein. Mais là, j'ai trouvé un spectacle qui était à Orléans, donc du côté ontarien. Qui n'est pas tellement loin. Non, c'est vraiment c'est à 20 minutes de chez nous. C'est un peu comme Shawinigan, là, mettons, c'est pas super loin. Compare pas ça à Shawinigan. On a beaucoup de comparaisons avec des villes de la Mauricie qui sont peut-être un petit peu douteuses. Là. Plus non, en termes de distance, ça fit. Ouais. La ville n'a pas l'air de Shawinigan, mais c'est à peu près la même distance de chez nous. Mais c'est ça, et je me suis trouvé des billets, je les ai achetés il y a 3 semaines. Non! Et moi, j'ai vu sur mon billet dans quelle rangée j'allais être. Puis là, je trouvais pas ma rangée dans le dessin sur Internet. Finalement, j'arrive là samedi, je suis dans la deuxième rangée. Non! Wow! Ouais. Tu pensais que ce serait les toilettes, quelque chose de genre? Non, mais écoute, je pensais que je laisse au balcon. C'était quoi ton numéro de billet? C'était quoi ton numéro de billet? Quelle belle question. Non, non, mais pas ton numéro de billet. Pour qu'elle pense que... Non, mais ça disait « Oh, bébé ». Et là, je trouvais pas le « Oh, bébé ». Oh, bébé. Mais finalement, le « Oh » avait pas rapport. J'étais juste dans la rangée de bébé. Ah. À la table des enfants. Mais en tout cas, c'était vraiment... j'étais vraiment excitée quand je suis arrivée. Ça a vraiment été un spectacle qui a vraiment valu la peine. Il a fait une vingtaine de chansons. Il a commencé avec la pièce « Le monde tourne fort » de son dernier album du même nom. C'est vraiment un choix parfait pour commencer un spectacle. Aussi, j'ai été étonnée par plusieurs choses. Pour commencer, les chansons qui jouent pas mal à la radio, comme Café Lézard, Le temps passe, Je pars à pied, sont beaucoup plus rock en version live. Il y a des solos de guitare, il y a beaucoup d'énergie sur scène. Donc, c'était vraiment différent, c'était intéressant. Et aussi, j'avais déjà lu en entrevue que Vincent Vallière était très gêné sur scène, mais... Finalement, il parlait vraiment beaucoup. Il nous raconte des histoires, il fait des jokes. Des blagues, ouais. Ouais, il était vraiment le fun. Il nous a raconté une histoire d'un de ses amis qui l'a inspiré pour la chanson « L'amour au coin de la rue ». Ouais. C'était vraiment drôle. Ouais. Et c'est ça, il a aussi fait une nouvelle chanson que ça fait des années qu'il travaille dessus. C'est une chanson qui, pour l'instant, ça s'appelle « Asbestos ». Ça parle de la grève dans les mines dans les années 40, où ses deux grands-pères ont travaillé, dans le fond, puis sa grand-mère, il a tout raconté l'histoire de qu'est-ce qui s'était passé. Puis c'est ça, il a écrit une chanson pour ses grands-parents là-dessus. Vraiment bonne chanson. Et à la fin, il y a eu un rappel, évidemment, qui a commencé avec la pièce « On va s'aimer encore ». Il y a eu une ovation, tout le monde debout. Ça l'a applaudi pendant je sais pas combien de temps. C'était vraiment beau, vraiment touchant. Et finalement, la dernière pièce de la soirée, c'était Le repère tranquille, qui a fait de façon acoustique. Il s'est mis sur le bord de la scène, sans micro, juste avec sa guitare. Puis les gens chantaient. Hein? Les gens chantaient aussi. Oui, exactement. Puis Vincent Vallière chantait tellement pas fort, là. Tout le monde essayait de... On dirait que tout le monde était comme figé pour pas faire de bruit. Tu sais, comme... C'est comme au cinéma, quand il y a une scène dramatique, là, tu veux pas manger ton popcorn parce que tu sais que ça va faire du bruit. Mais là, c'est un peu pareil. On aurait pu entendre une mouche voler. On voulait pas bouger parce qu'on avait peur de le déranger. Tellement que c'était tellement... Il chuchotait. C'était vraiment beau. Bref, c'est ça. Ça a été un spectacle assez écœurant, mettons. Est-ce qu'il y avait une première partie? Non, il n'y avait pas de première partie. C'était vraiment juste Vincent Vallière. OK. C'était assez pour toi, ça. Oh oui, c'est assez pour moi. C'était plein? C'était soldat? Est-ce que c'était soldat? Est-ce que c'était plein? Ça devait rester une couple de billets, mais vraiment pas beaucoup. C'est quand même surprenant à Orléans. Tu sais, il se passe pas grand-chose là. Ouais, ben c'est juste à côté d'Ottawa. En fait, ouais. Orléans fait partie d'Ottawa. Ouais, avec la fusion. Ouais, c'est ça, mais les gens qui viennent d'Orléans, ils disent pas qu'ils viennent d'Ottawa. Ils disent qu'ils viennent d'Orléans. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de francophones à Orléans. Non. C'est comme le Cap de Madeleine. Ouais, c'est ça. Ceux qui viennent du Cap disent qu'ils viennent du Cap. Ceux qui viennent de Trois-Rivières disent qu'ils viennent de Trois-Rivières. On vient d'imager la chose pour toute la population. Ouais, ben ici aussi, c'est pas mal tout pareil. Comme Gatineau, il y a eu des fusions. Ottawa, il y a eu des fusions. Donc. Hey, c'est rendu qu'ils célèbrent les fusions. Hein? Des pancartes qui disent 10 ans de fusion. Là, bravo à Trois-Rivières, c'est le fun. Ouais. Ça fait 10 ans à Trois-Rivières aussi? Ouais, ouais. 2002 à 2012. Genre. Ah, ben ça fait 10 ans cette année pour Gatineau. Écœur. On wow. Tripe ses fusions, là, ça paraît. Ça. François, il fait qu'émettre un... Je capote. Ouais. Épouvantable. Donc, tu vas nous faire entendre une pièce, évidemment, de Vincent Vallière, et tu l'as mentionné, Le repère tranquille. Oui, la dernière pièce du spectacle, une pièce que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai redécouvert. Je la connaissais déjà, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas écoutée. J'avais plus écouté le dernier album, Le Monde Tourne Fort, depuis sa sortie. Dans le fond, j'avais juste écouté celui-là. Puis là, vu que le spectacle arrivait, j'ai décidé de tout réécouter les albums. Et oh mon Dieu, cette pièce-là, là, assez émouvante. D'accord, on va entendre ça. Et puis, vu qu'on n'a pas de chronique littéraire aujourd'hui, en ce mardi, si t'as envie de la choisir toi-même, la pièce d'Antoine Graton qu'on va jouer après, garde-toi, si tu veux. Si t'en as une que t'aimes bien. Ben, entre Tes chaleurs ou Super Amis, c'est deux pièces que j'aimais beaucoup. Parfait. Tes chaleurs ou l'autre, c'est quoi? Super, super ami. Ami. Parfait. C'est noté. Ouais, c'est donc, ça. On va écouter ça. On va en faire jouer. Mais pour l'instant, Vincent Vallière avec Le Repart Tranquille. Il les suivra après, après ces deux pièces-là. Les crudités de François-Olivier et les, le dessert des cieux de Mathieu. Oui. Merci, Steph. Ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais. Ben, correct. Cool. Salut. Une dernière insulte. T'as droit à une autre, OK? Non, non, non. C'est fini. OK, c'est tout? C'est fini. Raccroche. C'est fini, là. OK. Bon. OK. Pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai. Je me mets salut, pas Steph. Entre vous deux, moi. Merci. Bye. Bye. Ah, ça finit toujours bien, quand même. Ben oui, c'est ça. Tu sais comment ça vient de raccrocher, t'as vu? Ouais. À raccrocher. Je pense. Steph. Steph. Steph. Chanson d'amour sur les ondes me fait penser à toi et ma blonde. Le soleil brille encore, la route est facile, c'est l'automne dehors et je reviens fébrile. J'avais tellement à dire, j'avais plus comment faire. J'ai préféré partir, j'ai préféré me taire. Une chanson d'amour comme une sonde me ramène à ton sourire, ma blonde. Le feu brûle encore, même si c'est fragile. Sortir du brouillard sur des mois et des milles. Et si je m'ennuie de toi, je suis bien là-bas, dans la paix et le doute de chaque pouce d'autoroute. Chanson d'amour, ça m'appemande. Une écrite juste pour toi et ma blonde. Et une lueur s'éveille en ces lieux paisibles. Je me tire du sommeil, je ne suis plus en exil. Et si tout s'évapore et tout tient à un fil, étoile, t'es le port, t'es mon repère tranquille. Et si tout s'évapore et tout tient à un fil, t'es l'étoile, t'es le port, t'es mon repère tranquille. We'll be right back. t'étais où? Tu m'as jamais suivi jusque dans le fond de mon trou. Et toi, toi mon super ami, t'étais où? Tu m'auras jamais suivi jusque dans le fond de mon trou. Antoine Graton avec la pièce Super Ami. Peut-être pas sa plus entraînante, là, mais quand même. Mais elle est bonne, elle est bonne. Mais je préférais Hades Party, celle que Simon nous avait présentée l'autre jour. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, c'était dans la chronique Ton plat favori. Stéphanie Gagné pour accompagner le plat favori. On a toujours les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Et tu vas voir, Mathieu, ce matin, pas beaucoup de crudités, seulement 2-3 carottes. Ah oui, ben c'est bon, les carottes avec la petite trempette, là, mais pas de trempette, toi, c'est ça? Pas de trempette, non, non, c'est. Oui, il faut de la sauce. Pas de notre sec, un matin. Il faut de la sauce. Ah, bon, vrai? Ah, ouais. Sinon. Non. Ah, sinon, pas de crudité? Non, pas de crudité. Non, petite ça goûte trop les légumes. C'est ça. Moi, j'aime pas ça, les légumes. Non. Petite trempette jardinière, là, à l'épicerie jardinière. Note le nom. Non. Ça a l'air plate comme nom. Là. Vraiment. Mais tu l'achètes, puis c'est vraiment délicieux. Ouais. Bon. Bon. Hey, écoute, je te parle de quelque chose qui a retenu mon attention cette semaine. C'est facile. C'est les 45 images les plus percutantes de 2011. Ah, en fait, c'est des images qu'on se souvient. Qu'on images a vu. Choc, là. Ouais, de l'actualité. Ouais. Donc, sérieusement, ça vaut la peine. Et puis, c'est con, mais tu sais, quand tu fais le tour, tu fais comme « Ah, c'est vrai, c'était cette année, tu sais. » Tu sais, des fois, toutes les affaires qu'on a déjà vues. C'est pas des affaires genre nouvelles, mais sur le lot, c'est sûr qu'il y a des photos que t'as pas vues. Non, ça, on peut pas être au courant de tout. Là. Mais c'est quand même des événements marquants. Et puis, je trouve ça agréable de se rappeler. Et puis, évidemment, les photos sont de super bonne qualité. Ouais. Et puis, c'est des photos quand même recherchées. Et puis, c'est vraiment fantastique. Et puis, ça fait vraiment le tour. Là. On parle, mettons, de l'émeute CICQ à Vancouver, okay. D'Oussama Ben Laden, de sa capture là, avec le président Obama, oui. Tout le monde dans la même pièce. Le tsunami. Hein? Évidemment. Qu'est-ce que la mort de Amy Winehouse, la mort de Steve Jobs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, je fais le tour un peu. C'est plus des tragédies, en fait. Ah, vois-tu, ça, c'est drôle, ça. Il y a un monsieur qui fait une lune au policier. Ah, bon. Non, c'est formidable. Allez voir ça. Il n'y a pas ta moustache, hein? Non, pas, ça n'a pas été un fait marquant, ce qu'il paraît. Moi, ça me marque, en tout cas. Ah, ouais? Ouais. Voilà pour les crudités de François-Olivier, ça fait le tour. Ça a été simple, mais allez voir ça, je l'ai posté, d'ailleurs, sur... sur le Facebook? Sur la page d'Assemblage Requis. Ah, ben, tu fais bien ça, toi. Et wow. Wow, hein. Et wow. Moi, de mon côté, mon dessert délicieux, Mathieu, c'est super pas original. Vous savez, quand j'ai aucune idée quoi prendre comme dessert délicieux parce que je suis à la dernière minute et j'ai pas trop réfléchi à mon affaire, je me dis, hey, attends un peu, parce que je me garde tout le temps des liens à réserve, t'sais. J'ai tout le temps des liens, juste le fun, de même. Puis, il y en a un que c'est la chanson de. En fait, je vous laisse deviner. Et je vous laisse deviner aussi l'ambiance autour parce que c'est une vidéo à aller regarder, évidemment, sur assemblagerequis.com. Le lien est là. Je le mets sur la page Facebook aussi. Mais devinez, c'est quoi? Mario! Mais quel genre, là? L'harmonica? À l'accordéon. L'accordéon. Ouais, pas l'harmonica. Par un groupe à l'accordéon et l'harmonica. Il n'y a pas quelque chose comme ça? En fait, je pense que c'est plus juste des accordéons. Mais ils sont habillés de façon bulgare, là. À la Mario, un peu? Non? Non, pas à la Mario, mais Bulgarie, tu sais, genre, comment décrire le look bulgare? Attends, je vais aller voir. Ouais, va voir la vidéo. Je traverse. Mais, ah, tu traverses? Ah, viens, viens, traverse. Yeah, yeah, on dira pas à personne. Mais gros champ de gazon, avec une belle petite maison, c'est super rustique. Là. Ils ont-ils des chapeaux typiquement bulgares, là, bruns, là, super sexy, si on veut. Là. Ils ont... Mais je peux pas comprendre pourquoi tu tombes là-dessus, toi. Pourquoi je tombe là-dessus? Ouais. Parce que je visite des blogs douteux. Tiens, mais... Mais c'est bon, là. C'est louche. C'est super mauvais, ça a pas de but partout. C'est mon genre de vidéo préférée quand ça n'a pas de but. Mais ça parle de Mario, donc ça me gagne à chaque fois. À tout coup. Elles sont-tu lettres, les chapeaux bulgares? C'est dégueulasse. Ah, c'est... Puis ils reprennent tout le même bout de la chanson. C'est varie pas partout. Voilà. Le refrain. Dis qu'il y a du monde qui vont voir ça. Tu poses ça... C'est juste sur assemblagerequis.com, mais je te mets ça sur la page d'Assemblage Requis à l'instant pour les gens qui veulent pas aller ailleurs que sur Facebook dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec les autres sites Internet. Hein? Mm. Bon. C'est ça. Bon, arrête ça. Ils reprennent tout le temps le même bout. C'est comme après le reste de la chanson, man. Voyons, qu'est-ce qui se passe là, ça? Tu sais, fais les champignons, puis... Ben, c'est ça, fait des effets sonores. Engage un gars pour prendre son chapeau et puis faire des effets sonores à l'intérieur de son chapeau. Comme une genre de... C'était mon dessert délicieux, les crudités de François-Olivier, puis le plat favori de Stéphanie Gagné. Ça revient ce mardi prochain à 8h. Toujours la formule gagnante, hein? Ouais, tout à fait. C'est le trio complet. Manqué avec la liqueur. Ouais. Qui va faire la liqueur? Qui va faire la liqueur? On sait pas. Il faudrait que son nom finisse en R parce qu'on a plat favori Stéphanie, crudité François-Olivier, dessert délicieux Mathieu. Ça rime, ça. C'est comme l'idée de la chose. Liqueur. Donc, quelqu'un qui s'appelle... Gilles la douceur. Oh, peut-être. Ouais. Ouais. Ça serait bon. Ouais. José Labigueur. Ouais. Ouais. C'est les deux seuls noms qui finissent en R, je pense, sur la planète. Ça ne vient pas ce matin? Non. Non. T'as des douleurs de cerveau. Oh. Essayez de... des douleurs. Hey, on prend une pause puis on vient avec plus d'assemblage requis et les demandes spéciales du jour, hein, parce qu'on a tout le temps de ça, nous autres. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de dodo? Oui, je fais dodo. Dodo? Dodo. Tu fais dodo? Dodo. Comment fais pas dodo? T'es à Radio Do. Hey, demande spéciale ce matin. Oui, demande spéciale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est qui la demande spéciale? De qui ça vient ça? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Juan Philippe. Non. Non? Non. Trop loin? Jean-Philippe. Jean-Philippe. D'accord. Purement québécois. Et puis, l'autre, parce qu'on en a deux. Ah, c'est ça, mais c'est deux demandes spéciales de la même personne. Ah, OK, OK. Genre, pense... ah, OK, OK. Ah, ouais, parce que nous, à tous les jours, comme ça, c'est l'avalanche de demandes spéciales. On va entendre la formation The Do, avec d'où le jeu de mots sur tu fais dodo. Dodo, ouais. Ou encore je te regarde dodo. Puis. Quand c'est écrit dodo? T-H-E? OK, c'est écrit T-H-E, ouais. Le mot. Ça passe D-O. Comme The dirait les Français. Ouais. Do, c'est D avec un O, avec une barre dedans, une barre oblique. Tu mets du barre que tu veux. OK, donc ça, tu barres le D. Tu barres le O. Le... Ah, OK, le O. Une barre à oblique vers l'avant. Et c'est la pièce On My Shoulders. Mais on va débuter ça avec Isaiah ou Isaiah avec So Much Trouble. On écoute ça à l'instant puis on en parle après dans Assemblage requis. Bloc de demande spéciale pour Juan Felipe. Felipe. And the chorus is... OK. OK. C'est bon? Rie pas des demandes spéciales de vos auditeurs. C'est sûrement très bon. Trouble. everybody seems to pray. Everybody claps their hands, everybody wants to play. Everybody knows each other, everybody moves away. Everybody tries to follow, everybody seems to care. Everybody wants to succeed, everybody. We'll be right back. La formation de Doe et la pièce On My Shoulders à Assemblage Rocky, c'était une demande spéciale pour Juan Felipe. Ouais, on aime ça. Oui, on vraiment. Ça, c'est tranquille. Il y a du goût, ce gars-là. Il y a du goût. C'est tranquille, mais comme pas trop tranquille non plus. Non. Ça reste accrocheur quand même. Donc, j'ai fait mes petites recherches, là, tel un homme original sur Wikipédia. The Doe est un groupe de musique indie pop formé à Paris en 2005, composé du duo Olivia Merilati, chanteuse et musicienne franco-finlandaise, et Dan Levy, musicien et compositeur de musique de film. Accompagné sur scène par différents batteurs, etc. Leur premier album a atteint, dès sa sortie en 2008, la première place des ventes en France. Donc, c'est un groupe français anglophone. Le premier groupe français anglophone à atteindre cette position. Quand même intéressant. Le nom du groupe est formé des initiales des prénoms de ses deux membres, mais aussi renvoie à la note Do. Il est écrit avec un O barré, hein, comme on le disait tantôt, et avec une note de musique à la place du D. D'accord? Le haut barré pourrait laisser penser à l'origine de la chanteuse, mais c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas cette lettre-là en... comment t'appelles ça? En finnois, il n'y a pas ça. Avant, entendu, Isia Higelin, de son nom de famille, est née en septembre 90, chanteuse française de rock, présente sur diverses scènes depuis 2006. Sa carrière a vraiment démarré en 2009 avec la sortie de l'album Isia, premier album de son groupe, également nommé Isia, mais sans le tréma sur le deuxième I. Voilà donc pour le bloc de demande spéciale pour Jean-Philippe. Merci. Merci beaucoup. Et à une autre fois. Ben c'est ça, continue demain. Non, non. Pas de raison de pas le faire. Ben non. T'sais, ben on pourrait en trouver des raisons de pas l'écouter, mais faites-le pas. On n'en trouvera pas. C'est, faites-vous pas mal au cerveau pour rien. Casse pas ta tête, comme on dit. T'sais. Ouais. Bon. François, on passe d'un bloc de demande spéciale à un autre bloc. Comment t'appelles ça? Non. Comment? Deux. Comment? Tu veux, je répète quoi? Je t'entends pas. Deux. Faut que tu le répètes. Deux fois. C'est deux ça, fois. C'est le principe de la chose. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. François-Olivier Marchand, le bloc il était deux fois, c'est ce qu'on fait là. Wow. Explique-moi ça. Ben là, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je me rappelle la dernière fois tu disais faut que ça soit en fait là, deux fois le même groupe. Ouais. Ben là ça marche pas. Marche pas, là. Ouais, ça marche pas. Parce que c'est pas vraiment littéralement deux fois le même groupe, ça va être deux groupes différents. Ça va être deux groupes différents, mais en fait là, c'est sûr qu'on peut trouver un lien par une personne. On aurait pu dire que c'était parce que c'est des jumelles. Tegan et Sarah Quinn. Ouais. Mais ils sont pas les deux dans les deux c'est chansons. Ça? Non, ça fonctionne pas. Mais je comprends pas. Non plus. Il y en a une que ça va être une fois la même fille du premier groupe, mais dans le deuxième groupe, mais c'est pas vraiment son groupe, c'est un autre groupe. Non, c'est avec ça. Elle pas dedans. Son groupe en tout. Pas son groupe du tout. Non. C'est quoi le groupe, mettons? Against Me? Against Me? Against Me, ça, c'est le groupe. OK, mais Against Me, il n'y a pas Tegan ni Sarah dans ce groupe-là. Non, jamais. Non. Ben, jamais. Une fois. Dans la pièce qu'on va entendre là, j'imagine par hasard. Une fois, mais pas deux fois. Mais c'est laquelle? Est-ce que c'est Tegan ou est-ce que c'est Sarah? C'est Tegan. Tegan Quinn? Oui. OK. Ouais. Mais une fois, pas deux fois. Non, c'est ça. Puis dans la première pièce qu'on entend. Deux fois, ça marche pas. Deux fois Tegan? Tu peux voir Tegan and Tegan. Ça marche pas. Marche pas. Fait qu'à la place, on pourrait commencer en entendant une pièce de Tegan and Sarah ensemble. Okay. Sarah qui fait un petit peu rejet avec Against Me. Okay. Je te laisse aller. Okay. J'ai confiance en témoin. Est-ce qu'on pourrait aller sur, mettons, l'album Sainthood? Oui, OK. Entendre l'extrait Hell? OK. Oui, peut-être. Pas Elle comme Elle Tegan. Non, non, pas comme le magazine Elle. Le magazine Elle ou la série télé Elle au pluriel, l'émission de lesbienne. Ah, je sais pas. Non? Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. C'est juste Hell. Hell! Assemblage requis dans le bloc, il était deux fois. No, I'm not ready for downtown trash. and what we save to discard and discover a brand new way. Oh. Against Me et Born on the FM Wave, featuring Tegan Quinn de Tegan and Sarah. Oui. Oui. Et dans juste avant ça, on a entendu Tegan and Sarah, justement. Oui. Hein? Avec la pièce Hell. Hell. Tegan Quinn de Tegan Hell. And Sarah Quinn. Quinn, Quinn, Quinn. Quinn. C'est cool. Bon, c'est cool. Beau blague qui était deux fois, François. Merci, Mathieu. Ouais. J'ai rien compris de ce que c'était, mais bon, c'est pas grave. Deux pièces de soleil, même artiste ou groupe, ou encore personne dans un groupe ou artiste. C'est ce que je disais. C'est ça. Bon, donc, passons à autre chose complètement. Allons-y avec la chronique. C'est un fait. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, on a très peu de temps. Pourquoi? Non seulement c'est la fin de l'émission bientôt, mais en plus, il me reste 7 minutes de batterie sur mon ordinateur. Donc, okay. Commençons avec en Finlande, le 27 juillet de chaque année, c'est la journée nationale Sleepyhead. Sleepyhead. La journée du dormeur, si on veut. Donc, traditionnellement, c'est que la dernière personne à se lever dans la maison ou dans l'endroit où vous êtes se fait réveiller par un splash d'eau. On lui met de l'eau en face, la dernière personne à se lever, donc il faut que tu t'arranges pour lever le premier. C'est super le fun comme journée, non? On devrait adapter ça. 27 juillet prochain. Ouais. L'été, ça fait du bien de l'eau. Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Tu connais le Super Bowl? Ben Super oui, Bowl, le football. Ben oui. Madonna va être la performance principale du Super à Bowl. Exactement. Lors du Super Bowl XLVI. Ah, voilà. Ouais. Bon, c'est quel y a Super Bowl? Je sais pas. On n'a pas, hein? Pas le temps. Au Super Bowl 1, le premier du nom, en fait, ça s'appelait pas le Super Bowl 1 à l'époque. Hein, c'est comme les affaires qui s'appellent 1 sont rarement comme ça dès le départ. Là. Donc, la mi-temps était performée par un trompettiste, Al Hurt. Au Super Bowl 1, qui était dans le fond, ça s'appelait la First AFL-NFL World Championship Game, ce qu'on appelle aussi la Super Game, où les Green Bay Packers ont gagné 35 contre 10 pour les Kansas City Chiefs. Oh! C'était en 1967. Quand même. 15 janvier. Le poinsettia, tu connais le poinsettia? Ça a été nommé en hommage au congressman et ambassadeur Joel Poinsett, qui a introduit la plante pour la première fois aux États-Unis dans les années 1800. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle un poinsettia. Intéressant quand même. En 2009, les chercheurs de l'Université Newcastle, le Center of Life de l'Université Newcastle, disaient que manger un sandwich au bacon pouvait t'aider à passer au travers d'un lendemain de veille, un hangover. Okay. Un sandwich au bacon. Bon. Le premier message texte a été envoyé il y a 19 ans, en date du 3 décembre dernier. C'est un ingénieur de chez Vodafone qui a reçu le premier message texte qui disait « Joyeux Noël ». Non? Joyeux Noël! Intéressant. Ben oui. Au milieu des années 1980, Fergie des Black Eyed Peas. Tu sais, ouais. Ils m'ont dit « Black Eyed Peas, ça me tape tu sais, non, tu penses? » Ben oui. C'était la voix de la jeune sœur de Charlie Brown, Sally. Oh! Au milieu des années 80. Ouais. Okay. Ouais. En 2012, le nombre de maisons avec aux États-Unis, premièrement, le nombre de maisons aux États-Unis avec une télévision va descendre pour la première fois. En 92? Depuis, en 2012. En 2012, OK. Donc, pour la première fois, ça va descendre. Donc, ça va être la première fois depuis que Nielsen s'occupe des codes d'écoute, donc suit les codes d'écoute. Ça, c'est dans les années 1970. Donc, pour la première fois en 2012, le nombre de télé de maisons avec une télé va descendre. Voilà. Sais-tu que Diet Coke, Coke Diet et Coke Zero sont tous le même breuvage, Coke Diet et Coke Zero. Ah ouais? Les deux ont des ingrédients identiques, à part pour ce qui est utilisé pour sucrer. Donc, c'est le sucre qui fait la différence. Très, très légère. Une des différences dans le Coke Diet, croyez-le ou non, c'est qu'il y a un petit peu plus de calories dans le Coke Diet que dans le Coke Zero. Un petit peu plus. Coke Diet a plus de calories par 100 ml, alors que Coke Zero a seulement 0,5 calories. Donc, une calorie pour le Coke Diet, alors que c'est 0,5 pour le Coke Zero. Une autre différence, c'est que Coke Zero, dans le fond, le marketing est spécifiquement... Coke Zero est spécifiquement ciblé vers les hommes, alors que Coke Diet, c'est ciblé vers les femmes dans leur marketing. Tu comprends? Non. Ils veulent rendre ça masculin, le Coke Zero, avec leur publicité. Toi, t'es un fan, Coke Zero? J'adore Coke Zero, je trouve ça super bon. On dit qu'en Europe et en Amérique du Sud, on n'appelle pas ça Coke Diet, on appelle ça Coca-Cola Light. Light, parce que diète, je sais pas, c'est peut-être un préjugé envers la diète. Je sais pas. Tu vas comprendre celui-là, j'imagine, autant que moi, en tout cas, si t'es de mon genre à avoir tout le temps chaud, est-ce que t'as tout le temps chaud dans la vie? Non? Ça dépend. À la maison, non? Ça dépend. Est-ce que ça cause des chicanes avec ta copine? Non. Non, d'accord. Bon, ben tu vas à l'encontre de la norme, parce que l'hiver, les températures dans une maison causent beaucoup de chicanes. On dit que 4 couples sur 10 vont se chicaner deux fois par jour par rapport à la température dans deux la maison. Deux fois par jour. Deux fois par jour en moyenne. Donc, deux tiers de ces chicanes-là sera le tiers, oui. Parce que l'homme a trop chaud et l'autre côté, la femme a trop froid. Hein? Plus de la moitié des couples auxquels on a posé la question avaient de la difficulté à dormir la nuit parce qu'ils avaient trop chaud, parce qu'évidemment, c'est les filles qui décident la température dans la chambre à coucher la plupart du temps. J'ai ça, mais c'est comme ça. Forrest Gump, dans le film Forrest Gump, attrape une canette. Je dis tout le temps canne, j'ai aucune idée pourquoi. Une canette de Mellow Yellow. Tu sais, la boisson Mellow Yellow, c'est comme un genre de Mountain Dew. Ça existait au Québec il y a quelques années, ça n'existe plus vraiment, je pense. Hein? J'en ai pas revu depuis un maudit bout. Mellow Yellow. Moi non plus. Bref, il boit cette boisson-là dans le film, mais ça n'existait pas à l'époque où le film doit se passer. Dans Forrest Gump, donc Tom Hanks attrape une canette de Mellow Yellow, mais la boisson n'a pas été inventée avant mars 1979. Le film se passe dans les années 50 et 60. D'autres gaffes, c'est que Forrest boit du Dr. Pepper à New York, alors que c'était pas encore disponible à New York à cette époque-là. Et le logo de Dr. Pepper était différent en 1972 par rapport à ce qu'on montre dans le film. Pas le bon logo. C'est mauvais, ça, il me semble. Tu fais un petit peu ta recherche, les détails comme ça, c'est utile. Quand même, des anachronismes. Et on termine avec une université qui a installé des grosses glissades. Des grosses glissoires. Ouais, des glissoires. Des glissoires. Mettons des affaires qui glissent, là. Hein? À la place des escaliers. C'est vrai? Okay. C'est vrai. Donc, les Allemands de l'université de Munich. Hein, c'est une glissade, une glissoire de 4 étages de haut qui peut amener les étudiants de n'importe quel étage à l'autre. Mais de haut en bas. J'imagine principalement de haut en bas. Donc, les étudiants s'assoient sur un tapis avec leurs livres entre les jambes et glissent sur cette glissoire-là. Génial, non, comme école? C'est la University of Munich en Allemagne. J'adore ça. C'est très cool. Très bonne. Voilà, on a réussi à passer au travail. Il me reste encore 2 minutes de batterie. Wow! On peut aller niaiser, je vais aller chercher les affaires. Bon. C'est quoi ton aéro? Voilà, pour la connexion, c'est un fait, François. Merci, Mathieu. Oui! En passant, Marie-Pierre Laforge-Bourret, vous aurez remarqué n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Elle sera de retour plus tard cette semaine. C'est pas encore confirmé, mais ça devrait être jeudi matin. Jeudi matin, vers les 7h30. Voilà, pour faire sa chronique littéraire, on vous confirmera ça. Sinon, mais on remercie Stéphanie Gagné d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Philippe Saint-Germain aussi, les travailleurs de rue, qui nous a parlé. Oui, Jean-Félix. Jean-Félix, ouais. C'est pas ça que j'ai dit? T'as dit Jean-Philippe, non? Jean-Félix, peut-être que ma dernière syllabe est restée dans ma bouche. Mais elle voulait sortir. Toc, toc, toc. Elle voulait. Elle le voulait. Voilà, on se retrouve demain à l'émission mercredi. Qu'est-ce qu'on a le mercredi à Assemblage Requis, François? À 7h30, on a Jasmine Raymond-Drainville. Oui, Jasmine Raymond-Drainville qui nous fait sa chronique linguistique. Oui, elle commence une nouvelle série sur la nouvelle orthographe. OK. Oignon. Comment t'écris ça, Star? Je sais plus. Hein? Je suis certain. Non plus. On reçoit d'ailleurs Myriam aussi. Oui, à 8h. Oui. Avec sa chronique aléatoire. Et puis, enfin, une émission à 8h30. Monsieur Martel, Yann, de son prénom, qui nous parle de chronique financière, en fait. Il nous parle de sa chronique. Il fera pas de chronique, il va nous parler de sa chronique. C'est ça, exact. C'est à peu près ça. Donc, soyez à l'écoute pour ça. C'est demain matin, mercredi à 7h. Restez sur nos ondes parce que dans quelques minutes, ce sera la sécheuse. Puis, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, si vous avez raté le voyage insolite ou album classique, ça se passe là, en rediffusion. À 15h, Drôle de Drouin en direct avec Alex Drouin. C'est une émission musicale humoristique. Puis, le magazine culturel, une dose d'estrogène. Et plus tard, en soirée, réanimation avec du métal et de l'horreur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, François. On se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Annie El-Khatib avec l'album Will the Guns Come Out. Et on écoute à l'instant la pièce Build, Destroy, Rebuild. 89 FM. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. D'habitude, on finirait sur le thème. Ça ferait comme la fin de la toune. Ça ferait toutou. Toutou. Puis ça arrêterait, puis la toune partirait. Ça brasse, ça, Mathieu. Ça finit bien l'émission. Bonne journée. Bye. There's no future in you. No more culture than your heart.